tu seras sauvé. Et j'ai promis. Est-il bête avec sa Sainte Vierge ? S'écria Bergounou en se soulevant. Pagès était catholique, Bergounou était calviniste. Si la Sainte Vierge a toute puissance pour des catholiques, elle n'est rien pour les calvinistes qui ne la reconnaissent point, pas plus qu'ils ne reconnaissent les autres intermédiaires qui se placent entre Dieu et l'homme, le pape, les saints et les anges. Dans tout autre pays, l'observation de Pagès n'eût pas soulevé de discussion, mais en pleine Cévennes, dans une ville où les querelles religieuses ont toutes les violences qu'elles avaient au XVIIe siècle, alors que la moitié des habitants se battaient contre l'autre moitié, cette observation, pas plus que la réponse de Bergounou, ne pouvait passer sans querelle. Tous deux en même temps s'étaient levés, et sur leur étroit palier, ils se défiaient, prêts à en venir aux mains. Mettant son pied sur l'épaule de l'oncle Gaspard, le magistère escalada la remontée et se jeta entre eux. « Si vous voulez vous battre, dit-il, attendez que vous soyez sortis. »« Et si nous ne sortons pas, répliqua Bergounou, alors il sera prouvé que tu avais raison et que Pagès avait tort, puisqu'à sa prière, il a été répondu qu'il sortirait. » Cette réponse avait le mérite de satisfaire les deux adversaires. « Je sortirai, dit Pagès. « Tu ne sortiras pas, répondit Bergounou. Ce n'est pas la peine de vous quereller, puisque bientôt vous saurez à quoi vous en tenir. Je sortirai. Tu ne sortiras pas. » La dispute, heureusement apaisée par l'adresse du magistère, se calma. Mais nos idées avaient pris une teinte sombre que rien ne pouvait éclaircir. « Je crois que je sortirai, dit Pagès, après un moment de silence. Mais si nous sommes ici, c'est bien sûr parce qu'il y a parmi nous des méchants que Dieu veut punir. » Disant cela, il lança un regard significatif à Bergounou, mais celui-ci, au lieu de se fâcher, confirma les paroles de son adversaire. « Cela est certain, dit-il, Dieu veut donner à l'un de nous l'occasion d'expier et de racheter une faute. Est-ce Pagès ? Est-ce moi ? Je ne sais pas. Pour moi, tout ce que je peux dire, c'est que je paraîtrais devant Dieu la conscience plus tranquille si je m'étais conduit en meilleur chrétien en ces derniers temps. Je lui demande pardon de mes fautes, de tout mon cœur. » Et se mettant à genoux, il se frappa la poitrine. « Pour moi, s'écria Pagès, je ne dis pas que je n'ai pas des péchés sur la conscience, et je m'en confesse à vous tous. Mais mon bon ange et saint Jean, mon patron, savent bien que je n'ai jamais péché volontairement. Je n'ai jamais fait de tort à personne. » Je ne sais si c'était l'influence de cette prison sombre, la peur de la mort, la faiblesse du jeûne, la clarté mystérieuse de la lampe qui éclairait à peine cette scène étrange, mais j'éprouvais une émotion profonde en écoutant cette confession publique. Et comme Pagès et Bergounou, j'étais prête à me mettre à genoux pour me confesser avec eux. Tout à coup, derrière moi, un sanglot éclata, et m'étant retourné, je vis l'immense Comperou qui se jetait à deux genoux sur la terre. Depuis quelques heures, il avait abandonné le palier supérieur pour prendre sur le nôtre la place de Carori, et il était mon voisin. « Le coupable, s'écria-t-il, n'est ni Pagès ni Bergounou. C'est moi que le bon Dieu punit, mais je me repens. Voilà la vérité, écoutez-la. Si je sors, je jure de réparer le mal. Si je ne sors pas, vous le réparerez, vous autres. Il y a un an, Rouquette a été condamné à 50 prisons, pour avoir volé une montre dans la chambre de la mère Vidal. Il est innocent. C'est moi qui ai fait le coup. La montre est cachée sous mon lit. En levant le troisième carreau à gauche, on la trouvera. « Allô ! Allô ! » s'écrièrent en même temps Pagès et Bergounou. Assurément, s'ils avaient été sur notre palier, ils auraient poussé Comperou dans le gouffre. Mais avant qu'il leur fût possible de descendre, le magistère eut le temps d'intervenir encore. « Voulez-vous donc qu'il paraisse devant Dieu avec ce crime sur la conscience ? » s'écria-t-il. « Laissez-le se repentir. »« Je me repens, répéta Comperou, plus faible qu'un enfant malgré sa force d'Hercule. « Allô ! » répétèrent Bergounou et Pagès. « Non !» s'écria le magistère. Et alors il se mit à leur parler, en leur disant des paroles de justice et de modération. Mais eux, sans vouloir rien entendre, menaçait toujours de descendre. Donne-moi ta main, dit le magistère en s'approchant de Comperou. Ne le défends pas, magistère. Je le défendrai, et si vous voulez le jeter à l'eau, vous m'y jetterez avec lui. Eh bien non, dirent-ils enfin, nous ne le pousserons pas à l'eau. Mais c'est à une condition. Tu vas le laisser dans le coin. Personne ne lui parlera. Personne ne fera attention à lui. Ça, c'est juste, dit le magistère. Il n'a que ce qu'il mérite. Après ces paroles du magistère, qui étaient pour ainsi dire un jugement condamnant Comperou, nous nous tassâmes tous les trois, les uns contre les autres, l'oncle Gaspard, le magistère et moi, laissant un vide entre nous et le malheureux, affaissé sur le charbon. Pendant plusieurs heures, je pense, il resta là, accablé, sans faire un mouvement, répétant seulement de temps en temps « Je me repens ». Et alors, Pagès ou Bergounou lui criaient « Il est trop tard, tu te repens parce que tu as peur, lâche. C'était il y a 6 mois, il y a 1 an que tu devais te repentir. » Il haletait péniblement, et sans leur répondre d'une façon directe, il répétait « Je me repens, je me repens ». La fièvre l'avait pris, car tout son corps tressautait, et l'on entendait ses dents claquer. « J'ai soif, dit-il, donnez-moi la botte. » Il n'y avait plus d'eau dans la botte. Je me levai pour en aller chercher. Mais Pagès, qui m'avait vu, me cria d'arrêter, et au même instant l'oncle Gaspard me retint par le bras. On a juré de ne pas s'occuper de lui. Pendant quelques instants, il répéta encore qu'il avait soif. Puis, voyant que nous ne voulions pas lui donner à boire, il se leva pour descendre lui-même. « Il va entraîner les déblais !» cria Pagès. « Laissez-lui au moins sa liberté !» dit le magistère. Il m'avait vu descendre en me laissant glisser sur le dos. Il voulut en faire autant. Mais j'étais léger, tandis qu'il était lourd, souple, tandis qu'il était une masse inerte. À peine se fut-il mis sur le dos que le charbon s'effondra sous lui, et sans qu'il pût se retenir de ses jambes écartées et de ses bras qui battaient le vide, il glissa dans le trou noir. L'eau jaillit jusqu'à nous, puis elle se referma et ne se rouvrit plus. Je me penchai en avant, mais l'oncle Gaspard et le magistère me retinrent chacun par un bras. « Nous sommes sauvés !» s'écrièrent Bergounou et Pagès. « Nous sortirons d'ici !» Tremblant d'épouvante, je me rejetai en arrière. J'étais glacé d'horreur, à moitié mort. « Ce n'était pas un honnête homme, » dit l'oncle Gaspard. Le magistère ne parlait pas, mais bientôt il murmura entre ses dents. « Après tout, il nous diminuait notre portion d'oxygène. » Ce mot que j'entendais pour la première fois me frappa, et après un moment de réflexion, je demandai au magistère ce qu'il avait voulu dire. « Une chose injuste et égoïste, garçon, et que je regrette. » « Mais quoi ? Nous vivons de pain et d'air. Le pain, nous n'en avons pas. L'air, nous n'en sommes guère plus riches, car celui que nous consommons ne se renouvelle pas. J'ai dit, en le voyant disparaître, qu'il ne nous mangerait plus une partie de notre air respirable. Et cette parole, je me la reprocherai toute ma vie. « Allons donc, » dit l'oncle Gaspard. « Il n'avait pas volé son sort. »« Maintenant, tout va bien marcher, » dit Pagès, en frappant avec ses 2 pieds contre la paroi de la remontée. Si tout ne marcha pas bien et vite, comme l'espérait Pagès, ce ne fut pas la faute des ingénieurs et des ouvriers qui travaillaient à notre sauvetage. La descente qu'on avait commencé à creuser avait été continuée sans une minute de repos, mais le travail était difficile. Le charbon, à travers lequel on se frayait un passage, était ce que les mineurs appellent « nerveux », c'est-à-dire très dur. Et comme un seul piqueur pouvait travailler à cause de l'étroitesse de la galerie, on était obligé de relayer souvent ceux qui prenaient ce poste, tant ils mettaient d'ardeur à la besogne les uns et les autres. En même temps, l'aérage de cette galerie se faisait mal. On avait, à mesure qu'on avançait, placé des tuyaux en fer blanc dont les joints étaient lutés avec de la terre glaise. Mais bien qu'un puissant ventilateur à bras envoyât de l'air dans ces tuyaux, les lampes ne brûlaient que devant l'orifice du tuyau. Tout cela retardait le percement. Et le 7e jour, depuis notre engloutissement, on n'était encore arrivé qu'à une profondeur de 20 mètres. Dans les conditions ordinaires, cette percée eût demandé plus d'un mois. Mais avec les moyens dont on disposait et l'ardeur déployée, c'était peu.

et le magistère est aux enfers. Tu ne voulais pas me croire quand je te disais que tu irais. » Qu'est-ce qui les prenait donc? Avaient-ils tous perdu la raison? Devenaient-ils fous? Mais alors, ils allaient se battre, se tuer? Que faire? Voulez-vous boire, magistère? Non, merci, je boirai en mangeant mon omelette. Pendant assez longtemps, ils parlèrent tous les trois ensemble sans se répondre. Et au milieu de leurs paroles incohérentes, revenaient toujours les mots « manger »,« sortir »,« ciel », »,« vent ». Tout à coup, l'idée me vint d'allumer la lampe. Elle était posée à côté du magistère avec les allumettes. Je la pris. À peine eut-elle jeté sa flamme, qu'ils se turent. Puis, après un moment de silence, ils demandèrent ce qui se passait exactement, comme s'ils sortaient d'un rêve. « Vous aviez le délire, » dit l'oncle Gaspard. « Qui ça ? Toi, magistère, Pagès et Bergounou, vous disiez que vous étiez dehors et qu'il faisait du vent. » De temps en temps, nous frappions contre la paroi pour dire à nos sauveurs que nous étions vivants, et nous entendions leurs pics saper sans repos le charbon. Mais c'était bien lentement que leurs coups augmentaient de puissance, ce qui disait qu'ils étaient encore loin. Quand la lampe fut allumée, je descendis chercher de l'eau dans la botte, et il me sembla que les eaux avaient baissé dans le trou de quelques centimètres. Les eaux baissent, mon Dieu! Et une fois encore, nous eûmes un transport d'espérance. On voulait laisser la lampe allumée pour voir la marche de l'abaissement, mais le magistère s'y opposa. Alors je crus qu'une révolte allait éclater, mais le magistère ne demandait jamais rien sans nous donner de bonnes raisons. Nous aurons besoin des lampes plus tard. Si nous les usons tout de suite pour rien, comment ferons-nous quand elles nous seront nécessaires? Et puis, croyez-vous que vous ne mourrez pas d'impatience à voir l'eau baisser insensiblement? Car il ne faut pas vous attendre à ce qu'elle va baisser tout d'un coup. Nous serons sauvés, prenez donc courage. Nous avons encore 13 allumettes. On s'en servira toutes les fois que vous le demanderez. La lampe fut éteinte. Nous avions tous bu abondamment. Le délire ne nous reprit pas. Et pendant de longues heures, des journées peut-être, nous restâmes immobiles, n'ayant pour soutenir notre vie que le bruit des pics qui creusaient la descente et celui des bennes dans les puits. Insensiblement, ces bruits devenaient de plus en plus forts. L'eau baissait et l'on se rapprochait de nous. Mais arriverait-on à temps? Si le travail de nos sauveurs augmentait utilement d'instant en instant, notre faiblesse d'instant en instant aussi devenait plus grande, plus douloureuse. Faiblesse de corps, faiblesse d'esprit. Depuis le jour de l'inondation, mes camarades n'avaient pas mangé. Et ce qu'il y avait de plus terrible encore, nous n'avions respiré qu'un air qui, ne se renouvelant pas, devenait de jour en jour moins respirable et plus malsain. Heureusement, à mesure que les eaux avaient baissé, la pression atmosphérique avait diminué, car si elle était restée celle des premières heures, nous serions morts, assurément asphyxiés. Aussi, de toutes les manières, si nous avons été sauvés, l'avons-nous dû à la promptitude avec laquelle le sauvetage a été commandé et organisé. Le bruit des pics et des bennes était d'une régularité absolue, comme celle d'un balancier d'horloge, et chaque interruption de poste nous donnait de fiévreuses émotions. Allait-on nous abandonner, ou rencontrait-on des difficultés insurmontables? Pendant une de ces interruptions, un bruit formidable s'éleva, un ronflement, un soufflement puissant. « Les eaux tombent dans la mine !» s'écria Karori. « Ce n'est pas l'eau, » dit le magistère. Qu'est-ce? Je ne sais pas, mais ce n'est pas l'eau. Bien que le magistère nous eût donné de nombreuses preuves de sa sagacité et de sa sûreté d'intuition, on ne le croyait que s'il appuyait ses paroles de raison démonstrative. Avouant qu'il ne connaissait pas la cause de ce bruit, qui, nous l'avons su plus tard, était celui d'un ventilateur à engrenage monté pour envoyer de l'air aux travailleurs, on revint avec une épouvante folle à l'idée de l'inondation. Allume la lampe! « C'est inutile. Allume, allume !» Il fallut qu'il obéît, car toutes les voix s'étaient réunies dans cet ordre. La clarté de la lampe nous fit voir que l'eau n'avait pas monté et qu'elle descendait plutôt. « Vous voyez bien ?» dit le magistère. « Elle va monter. Cette fois, il faut mourir. »« Eh bien, autant en finir tout de suite, je n'en peux plus. » « Donne la lampe, magistère. Je vais écrire un papier pour ma femme et les enfants. Écris pour moi. Pour moi aussi. » C'était Bergounou qui avait demandé la lampe pour écrire, avant de mourir, à sa femme et à ses enfants. Il avait dans sa poche un morceau de papier et un bout de crayon. Il se prépara à écrire. « Voilà ce que je veux dire. Nous, Gaspard, Pagès, le magistère, Carori et Rémi, enfermés dans la remontée, nous allons mourir. Moi, Bergounou, je demande à Dieu qu'il serve d'époux à la veuve et de père aux orphelins. Je leur donne ma bénédiction. Toi, Gaspard ? Gaspard donne ce qu'il a à son neveu Alexis. Pagès recommande sa femme et ses enfants au bon Dieu, à la Sainte Vierge et à la compagnie. Toi, magistère ? Je n'ai personne, dit le magistère tristement. Personne ne me pleurera. Toi, Carori ? Moi, s'écria Carori, je recommande qu'on vende mes châtaignes avant de les roussir. Notre papier n'est pas pour ces bêtises-là. Mais ce n'est pas une bêtise. N'as-tu personne à embrasser ? Ta mère. Ma mère ? Elle héritera de moi. Et toi, Rémi ? Rémi donne Capi et sa harpe à Mathia. Il embrasse Alexis et lui demande d'aller trouver Élise, et en l'embrassant de lui rendre une rose séchée qui est dans sa veste. Nous allons tous signer. Moi, je vais faire une croix, dit Pagès. Maintenant, dit Bergounou, quand le papier eut été signé par tous, je demande qu'on me laisse mourir tranquille, sans me parler. Adieu, les camarades. Et quittant son palier, il vint sur le nôtre nous embrasser tous les trois, remonta sur le sien, embrassa Pagès et Carori, puis, ayant fait un amas de poussière, il posa sa tête dessus, s'étendit tout de son long et ne bougea plus. Les émotions de la lettre et cet abandon de Bergounou ne nous mirent pas le courage au cœur. Cependant, les coups de pique étaient devenus plus distincts, et bien certainement, on s'était rapproché de nous de manière à nous atteindre bientôt, peut-être. Ce fut ce que le magistère nous expliqua pour nous rendre un peu de force. S'ils étaient si près que tu crois, on les entendrait crier, et on ne les entend pas, pas plus qu'ils ne nous entendent nous-mêmes. Ils peuvent être à quelques mètres à peine et ne pas entendre nos voix. Cela dépend de la nature du massif qu'elles ont à traverser, ou de la distance. Cependant, les eaux baissaient toujours, et nous eûmes bientôt une preuve qu'elles n'atteignaient plus le toit des galeries. Nous entendîmes un grattement sur le schiste de la remontée, et l'eau clapota comme si des petits morceaux de charbon avaient tombé dedans. On alluma la lampe, et nous vîmes des rats qui couraient au bas de la remontée. Comme nous, ils avaient trouvé un refuge dans une cloche d'air, et lorsque les eaux avaient baissé, ils avaient abandonné leur abri pour chercher de la nourriture. S'ils avaient pu venir jusqu'à nous, c'est que l'eau n'emplissait plus les galeries dans toute leur hauteur. Ces rats furent pour notre prison ce qu'a été la colombe pour l'arche de Noé, la fin du déluge. « Bergounou, dit le magistère, en se haussant jusqu'au palier supérieur, reprends courage. » Et il lui expliqua comment les rats annonçaient notre prochaine délivrance. Mais Bergounou ne se laissa pas entraîner. S'il faut passer encore de l'espérance au désespoir, j'aime mieux ne pas espérer. J'attends la mort. Si c'est le salut qui vient, béni soit Dieu. Je voulus descendre au bas de notre remontée pour bien voir les progrès de la baisse des eaux. Ces progrès étaient sensibles, et maintenant il y avait un grand vide entre l'eau et le toit de la galerie. « Attrape-nous des rats !» me cria Carori, « que nous les mangions. » Mais pour attraper les rats, il eût fallu plus agile que moi. Pourtant l'espérance m'avait ranimé, et le vide dans la galerie m'inspirait une idée qui me tourmentait. Je remontai à notre palier. « Magistère, j'ai une idée. Puisque les rats circulent dans la galerie, c'est qu'on peut passer. » Je vais aller, en nageant, jusqu'aux échelles et appeler. On viendra nous chercher. Ce sera plus vite fait que par la descente. Je te le défends. Mais, magistère, je nage comme vous marchez et suis dans l'eau comme une anguille. Et le mauvais air? Mais puisque les rats passent, l'air ne sera pas plus mauvais pour moi qu'il n'est pour eux. Vas-y, Rémi, cria Pagès. Je te donnerai ma montre. Gaspard, qu'est-ce que vous en dites? Demanda le magistère. Rien. S'il croit pouvoir aller aux échelles, qu'il y aille. Je n'ai pas le droit de l'en empêcher. Et s'il se noie? Et s'il se sauve, au lieu de mourir ici en attendant?